et e. 1. Peu, peu. 2. Des, deux. 3. Ce, c'est. 4. Veux, veux. 5. Né, ne. 6. Je. 7. T. 8. Fait, feu.